Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, à l'émission, on parle de Prince qui s'attaque à des sites Internet d'admirateurs, de chevaux de Troie contre Apple qui se multiplient, du piratage de la musique qui pourrait faire accroître les ventes d'albums et de Mario Galaxy qui est traduit en un joual lamentable. Tout ça et plus tout de suite dans quelques minutes, mais voici le Husky et David Bowie à C'est fou 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. See you. Là, ce qui est David Bowie à la connexion. Maintenant, c'est l'heure du fil informatique. Regardons les nouvelles qui ont marqué le monde de l'informatique cette semaine, des ordinateurs. On commence par Facebook, qui a dévoilé mardi dernier, dans le cadre d'une conférence de presse à New York, sa nouvelle stratégie en matière de publicité. Désormais, il va y avoir des annonces publicitaires sur les espaces personnels des quelques 50 millions d'usagers. Celles-ci vont être présentes à gauche des profils ou parmi les nouvelles concernant leurs amis. Grâce à un partenariat avec une dizaine de compagnies, les publicités sur le site seront personnalisées en fonction du lieu de résidence de l'utilisateur, de ses goûts, par exemple, son style de musique préféré ou ses films préférés, ainsi qu'en fonction des groupes auxquels il a adhéré. Concrètement, ça veut dire qu'un abonné aimant les films d'action pourrait recevoir une annonce de Blockbuster, par exemple, sur la location de films. Parmi les firmes qui seront présentes sur le site, on retrouve Blockbuster, CBS, Coca-Cola, eBay, Microsoft, Verizon Wireless et Sony Pictures Television. Il va aussi y avoir environ 100 000 pages dédiées à des marques de commerce et à des entreprises, des pages juste pour la compagnie, par exemple. Pour rappeler un peu, MySpace, le plus gros site de socialisation au monde avec ses 100 millions de membres, possède déjà un système semblable sur son site. Et on peut rappeler aussi que Microsoft a acheté en octobre dernier pour 240 millions de dollars, 1,6% des parts du populaire site Facebook, créé par Mark Zuckerberg. L'article vient de branchezvous.com. Toujours au sujet de Facebook, c'est en lisant le carnet de Éric Baillargeon que Bruno Guglielminetti est tombé sur les derniers chiffres au sujet de la popularité de Facebook au Québec et au Canada. Il en parle sur le site de Radio-Canada. Selon les chiffres qu'il cite en provenance de la plateforme publicitaire Social Ads de Facebook, il y aurait 749 740 Facebookiens québécois et 7,75 millions de Canadiens. C'est énorme. On parle d'un Québécois sur 10 et d'un Canadien sur 4 sur Facebook. De Facebook à YouTube, le populaire site de vidéos en ligne YouTube vient de dévoiler la nouvelle version canadienne de son site, YouTube.ca. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Aura comme fonction de mettre à l'avant-plan les vidéos produites par les Canadiens, produites même. Par exemple, on retrouvera du contenu canadien dans la section Featured Videos et Promoted Videos du site. Autre fait intéressant, on pourra également y consulter tout le contenu présent sur YouTube.com. J'espère. Le populaire site affirme qu'en créant des versions dans différents pays, les utilisateurs prennent moins de temps à trouver ce qu'ils recherchent, ce qui signifie qu'un usager canadien qui cherche les termes « cul de castor » sur YouTube.ca trouvera une vidéo sur le commerce du même nom, tandis que la même recherche faite sur le site américain l'aurait mené à une vidéo montrant une vraie queue de castor. Quel bel exemple! En juillet 2007, YouTube, qui a été acheté par Google l'année dernière pour 1,65 milliard de dollars, avait lancé des sites dans 9 pays différents. Avec le lancement du portail canadien, YouTube est présent dans 15 pays à travers le monde. Voilà, l'article est sur Branchez-vous. Maintenant, un article du Journal de Montréal. Le site Internet de la Fédération des Québécois de souche, ce forum de discussion d'extrême droite aux propos haineux, a cessé ses activités. Le site controversé révélé par le Journal de Montréal le mois dernier a disparu d'Internet cette semaine. On ignore pour l'instant si cette fermeture est volontaire ou si elle est l'œuvre de SoftPlayer Technologies, qui est l'entreprise américaine basée au Texas qui hébergeait le site. Soutenant vouloir préserver la culture, l'identité et l'héritage religieux du Québec, les membres du site y tenaient des propos parfois racistes, parfois haineux. Les avatars, ces images personnifiant les internautes, là, étaient basées sur les symboles rappelant le nazisme et le Ku Klux Klan. On y parlait abondamment de race, d'immigration, de gangs de rue et d'accommodements raisonnables. La Sûreté du Québec avait lancé une enquête sur ce site à la suite de ce reportage. Et je cite, « Il est clair que les affichages et les symboles exposent les groupes ethniques au mépris et à la haine », dit le directeur du Centre de recherche action sur les relations raciales, Faux Miami. Voilà, c'est via canway.com. Microsoft peut désactiver votre exemplaire de Windows Vista ou d'Office 2007 si elle juge que vous usez une copie illégale. Christopher Knoll de Yahoo News rapporte que Windows Vista et Office 2007, qui sont deux produits de Microsoft, sont programmés de façon à entrer en mode de fonctionnement réduit si la société détecte ce qui est considéré comme une copie illégale dans votre ordinateur. Dans le cas de Windows Vista, ça veut dire Microsoft affirme qu'elle n'a pas encore déterminé si elle va utiliser le système, mais le mode de fonctionnement réduit consisterait à faire fonctionner l'ordinateur uniquement en mode sans échec ou fermerait la fenêtre du furteur Internet environ toutes les heures. Ça veut dire que vous êtes sur Internet, il va juste fermer Internet à chaque heure, ou encore il va vous mettre en mode sans échec, c'est-à-dire sans aucun fond d'écran avec une résolution affreuse ou des choses comme ça. Pour ce qui est d'Office 2007, le mode en fonctionnement réduit empêche de créer de nouveaux documents, de modifier les documents existants et d'enregistrer des documents. Il ne reste plus grand-chose. En fait, on ne peut que consulter ces documents existants. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, pour que le système soit efficace, il doit communiquer avec Microsoft sur une base régulière. Ça signifie que vous pouvez installer une version de Vista ou d'Office légitime et quelques mois plus tard, vous pouvez changer suffisamment de composants dans votre ordinateur pour que Microsoft détermine que la copie de votre logiciel ne fonctionne plus dans l'ordinateur d'origine et donc qu'il s'agit d'une copie illégale. Il faudra donc que le système de détection soit à toute épreuve pour ne pas créer des centaines de milliers d'utilisateurs mécontents. L'article vient de Branchez-vous. Même chose pour le prochain. Founder Technology Group, le deuxième plus grand fabricant d'ordinateurs en Chine, a annoncé qu'il allait préinstaller Windows Vista sur la plupart de ses ordinateurs. Vista va être donc préinstallé sur la totalité des PC destinés aux particuliers et sur 40% des PC vendus aux entreprises. Cet accord permettra à Microsoft d'accroître les ventes de son nouveau système d'exploitation et de combattre le piratage qui sévit en Chine. En effet, le piratage semble être un vrai fléau dans ce pays, puisque 82% des logiciels utilisés en 2006 étaient des copies illégales, selon la firme Business Software Alliance. Ce pourcentage atteignait 55% pour l'Asie. Avant cet accord, la majorité des systèmes livrés par Founder n'étaient équipés d'aucun système d'exploitation, ce qui facilitait évidemment l'installation de logiciels pirates. Si ça vient sans Windows, tu installes ton propre Windows et t'es bien content. L'entreprise chinoise a également mentionné qu'elle allait vendre des produits Microsoft comme des souris, des webcams et des claviers dans 35 villes de l'Empire du Milieu. Aucun détail financier concernant cet accord n'a été communiqué et de plus, le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, qui était présent lors de la signature de l'entente, n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes. Rappelons que Microsoft avait conclu une entente semblable il y a quelques mois avec Lenovo, le plus grand constructeur de PC chinois. La firme Harris Poll vient de diffuser les conclusions de sa nouvelle étude portant sur les habitudes des gens envers Internet. Cette enquête effectuée auprès de 2062 citoyens des États-Unis entre juillet et octobre dernier révèle que près de 4 adultes sur 5 naviguent intensément sur Internet, ce qui signifie que 178 millions d'Américains passent en moyenne 11 heures par semaine sur Internet. Cette étude prouve une fois de plus qu'avec les années, la popularité d'Internet ne cesse de croître. En effet, en 2006, 77% des Américains fréquentaient d'une manière intense Internet, tandis qu'en 2000, 6 ans avant, ça représentait que 57%. En 95, c'est 5 ans avant ça, seulement 17,5 millions de personnes, soit 9% des gens résidant au pays de l'oncle Sam étaient branchés à Internet. Le cabinet Harris Poll a également révélé que 35% des gens connectés étaient âgés de 18 à 29 ans, bien que leur proportion est de 22% dans la population. De plus, 9% des internautes sont âgés de 65 ans et plus, quand même. Cette tranche représente 16% de la population véritable. Quand même. Et puis finalement, les endroits favoris des gens pour naviguer sont à la maison et au travail. Pas très surprenant non plus. Et 31% des gens préfèrent tout de même un autre lieu pour aller sur la toile. Autre lieu. On aimerait ça savoir en détail. La moyenne payée en octobre dernier pour le nouvel album de Radiohead est de 6 US selon une étude de la firme Comscore. En incluant ceux qui n'ont rien payé, cette moyenne baisse à 2,26 par album. Sujet qu'on aime bien ici à La Connexion, on aime bien en parler. Plusieurs raisons peuvent également expliquer le fait que seulement 2 consommateurs sur 5 aient payé pour l'album. Plusieurs attendent sûrement la sortie traditionnelle de In Rainbows en 2008, dit l'article de Branchez-vous.com, et d'autres ont pu avoir des problèmes avec le site lors du lancement le 10 octobre dernier. Finalement, beaucoup de gens téléchargent régulièrement leurs albums sans payer et n'ont probablement pas changé leurs habitudes pour In Rainbows, dit l'article. La moyenne de 2,26 payée par album par les internautes représente fort probablement une baisse de revenus pour le quintet d'Oxford. Selon l'avocat spécialisé dans le domaine de la musique Chris Castle, un groupe de l'envergure de Radiohead pouvait se négocier de bonnes redevances sur ses ventes d'albums alors qu'ils étaient sous contrat avec EMI, soit environ entre 3 et 5 $. Rappelons que lors du lancement de In Rainbows, les membres du groupe Radiohead, libérés de leur contrat de disque avec la maison EMI, ont lancé une bombe dans l'industrie en offrant leur nouvel album en téléchargement sans imposer de prix. Un coffret de l'album devait également être lancé avec un second disque en décembre et l'album régulier devrait, quant à lui, paraître chez les disquaires au début 2008. La firme Comscore inclut également dans son étude une comparaison entre les Américains qui, lorsqu'ils ont payé, ont déboursé en moyenne 8,05 $ par album et les non-Américains qui ont payé plutôt 4,64 $ par album. Une statistique qui ne veut toutefois pas dire grand-chose, dit l'article, puisqu'elle ne tient pas compte du revenu disponible et de la valeur relative de l'argent selon les pays. Radiohead a des fans partout dans le monde et il est bien évident que l'Indien moyen a moins d'argent à débourser pour un album que l'Américain moyen. Si vous voulez voir l'étude de Comscore, allez voir l'article de Branchez-vous.com qui s'appelle « 2 personnes sur 5 ont payé pour In Rainbows » sur le site de La Connexion au www.unechance.com. La haute direction de Yahoo connaît une mauvaise période ces temps-ci. L'entreprise est pointée du doigt par plusieurs pour avoir collaboré à l'emprisonnement d'un journaliste chinois. Même le Congrès américain a été saisi dans l'affaire. La nouvelle vient de Canoe.com. Ce dossier peut se résumer ainsi. Un journaliste chinois, Shi Tao, purge actuellement une peine de 10 ans de prison. Son crime est d'avoir envoyé un courriel à des organisations pour la défense des droits de l'homme expliquant que le gouvernement chinois semait les journalistes de ne pas couvrir l'anniversaire marquant les 15 ans des événements de la place Tiananmen. Yahoo a aidé à l'arrestation du journaliste en fournissant ses coordonnées au gouvernement chinois. Et bien, à l'époque, les responsables de Yahoo avaient expliqué qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres du gouvernement en ne sachant pas la nature de l'enquête du gouvernement chinois. Or, c'est faux! Dès 2004, Yahoo connaissait tout du dossier, mais quelqu'un, quelque part, a tout de même fourni l'identité du journaliste. Mardi de la semaine dernière, le grand patron de Yahoo, Jerry Yang, a comparu devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre américaine. Le président de la Commission, Tom Lantos, lui a lancé, et je cite, « Sur le plan technologique et financier, vous êtes des géants, mais moralement, vous êtes des pygmées. » Fin de la citation. Les gens de Yahoo ont présenté leurs excuses à la commission et à la famille du journaliste en expliquant qu'ils faisaient l'impossible pour obtenir sa libération. Cela dit, Yahoo n'a jamais cru bon indemniser financièrement la famille du journaliste. L'entreprise a également refusé d'appuyer un texte de loi présentement à l'étude qui interdirait à une compagnie américaine de collaborer avec un régime répressif sous peine de poursuite. Et nouvelle un petit peu plus cocasse, hein, et je vais lire sur Clubic.com. Plébiscité par les internautes lors de la période de vote ouverte par Hasbro, la ville de Montcuq ne figurera pas sur la prochaine édition nationale du Monopoly, laissant sa place à Dunkerque, la seconde du classement. Une édition spéciale du célèbre jeu de société sera toutefois lancée dans le courant de l'année où amateurs de Daniel Prévost et autres nostalgiques du Petit Rapporteur, l'article est français, retrouveront les rues, places et autres lieux mythiques du village. De blog en forum, la pirouette de Hasbro laisse un goût mitigé. Certains estiment avoir été floués par l'éditeur et l'accusent de ne pas avoir respecté les règles qu'il avait pourtant fixé lui-même. Courant septembre, petit rappel des faits, Hasbro décide d'organiser sous forme de concours ouvert la répartition des villes qui remplaceront les rues parisiennes dans une prochaine édition France du Monopoly. Eh bien, une sélection de 44 villes est proposée sur le site monopoly.fr avec un principe simple. Chaque internaute pouvait voter jusqu'à une fois par jour pour la commune de son choix. Celle qui recueillait le plus de suffrages était alors censée prendre la place de la rue de la Paix, tandis que la seconde irait remplacer les Champs-Élysées, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 22 cases du plateau soient remplies. Eh bien, afin de favoriser l'émulation entre habitants des différentes villes et de susciter un plus grand effet de bouche à oreille, Hasbro propose une case Joker permettant aux visiteurs du site de rajouter la ville de leur choix. Eh bien, il n'aura pas fallu longtemps pour que de blog en forum se répandre une idée insolite, pousser la ville de Montcuq, hein, pour que celle-ci trône au fait du Monopoly en lieu et place de la rue de la Paix. Relayé de blog en forum ainsi que sur Trick Track, un site dédié aux jeux de société, l'idée a fait son chemin et Montcuq, que certains prononcent mon cul, faut le dire, progresse de place en place. Clubic puis d'autres médias commencent à relayer l'information à partir du 19 septembre et quelques heures et centaines de commentaires après la publication de l'actualité sur Clubic.com, Montcuq grille la politesse à Dunkerque, l'ancien numéro 1, et prend la tête du classement pour ne plus la lâcher. Bien que l'on soit censé prononcer la consonne finale de Montcuq, oui, l'intégration de noms de villes se prétend aussi largement au calembour risquait fort de ne pas coller avec la stratégie de l'éditeur Hasbro. Le Monopoly reste un jeu grand public, dit l'article, auquel jouent de nombreux enfants. Le directeur du marketing de Hasbro France, que Clubic n'a pas réussi à rejoindre, a déclaré à l'agence France Presse avoir reçu des réactions de maman qui ne souhaitait pas voir Montcuq sur le Monopoly. Hein? Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu une édition spéciale. Hasbro va éditer parallèlement un jeu 100% Montcuq, développé dans l'esprit humoristique, qui a permis de rassembler plus de 52 000 votes pour cette petite ville du Lot. Le plateau comportera donc des noms de rues, places et impasses de Montcuq, un pis-aller qui dit « Nous demeurons maîtres du jeu », ajoute le gars de tantôt. Carton rouge. Wow, le reste de l'article n'est pas très intéressant. Donc, allez voir Hasbro. Mon cuc ne trônera pas sur le Monopoly. Si vous voulez en savoir plus, sur lunechance.com. Voilà pour le fil informatique, tout ce qu'il y a de plus divertissant. Avant de passer au bloc cybercrime, allons voir et entendre même dans votre tête, peut-être, une pièce de Merry-Go-Round de leur album Lights and Elements. Voici Jesse Oshiga à la connexion à C'est Fou 89.fr. connexion revient dans 2 minutes. Bonjour, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans quelques minutes, c'est le bloc Cybercrime. On va parler entre autres de Prince qui s'attaque à des sites internet d'admirateurs et de Paramount et Warner qui s'attaque au piratage chinois. Alors que de l'autre côté, la GRC baisse les bras au Canada par rapport aux téléchargements illégaux. Mais avant, voici une pièce des palmarès francophones. C'est Gatineau et Back in the Days à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À CFO 89.fr. Tout le monde écoutait Bon Jovi pis Dépêche Mode. Tout le monde disait partout que le hip hop c'était juste une mode. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Merci à rien, j'fais ça ma façon. J'fais ça frais, c'est bon dans la maison. Un saut à petite house comme combinaison. Back in the days, pas tant d'avantage. Back in the days, avec mon ghetto blaster. C'est instru, de cool maudit. Ça met pas de but, mais c'est cool à maudit. J'rappe en anglais, mais c'est pas par choix. Le seul en québécois qui chasse, c'est quoi? C'est rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? King du hip-hop, j'rope des moves de break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le ventre, up and down, flip flop. Back in the days, j'ai pas peur d'avoir peur. Back in the days, j'ai tant des hip-hoppers. Back in the days, I'm a hell. On peut seulement jouer des PMD, Grandmaster Flash. Tous après-midi, j'ai le sound dash. Fait du style gratuit dans la langue de Jean Arrache. Back in the days, j'ai connu ces vendeurs. Back in the days, j'ai mon ghetto blaster. You live in the past, man. Formation Gatineau avec la pièce Back in the Days de leur album Gatineau. Maintenant, c'est l'heure du bloc Cybercrime. Quelques nouvelles qui ont marqué le monde de la cybercriminalité, des crimes informatiques, de tout ce qu'il y a d'illégal et de croche dans ce monde. On commence par Apple. Les chevaux de Troie qui s'attaquent aux ordinateurs d'Apple seraient en train de se multiplier selon F-Secure. Selon la compagnie comme ça informatique, là, le cheval de Troie détecté la semaine dernière par le fabricant logiciel Intego serait loin d'être un cas isolé. F-Secure précise qu'elle a récemment découvert 32 nouveaux chevaux de Troie qui visent les ordinateurs Mac. Ces logiciels malveillants sont cependant tous des variations du premier cheval de Troie qu'on appelle osx.rsplug.a. Pour contaminer un Mac, ce cheval de Troie et ses variantes doivent être installés par le propriétaire qui croit qu'il installe un codec pour pouvoir regarder certaines vidéos. D'accord. Le logiciel malveillant et ses dérivés se trouvent principalement sur des sites Internet pornographiques. Une fois que l'ordinateur est contaminé, l'internaute qui désire visiter certains sites Internet populaires comme eBay ou PayPal sont dirigés, sans le savoir, vers des versions illégitimes de ces sites, où il est alors invité à donner... J'arrête pas de passer du singulier au pluriel. Où il est alors invité à donner son numéro de carte de crédit ou d'autres informations personnelles. Le cheval de Troie peut aussi diriger ses victimes vers d'autres sites porno afin de générer des revenus publicitaires aux pirates. La firme de sécurité informatique conseille aux propriétaires de Mac de faire attention aux sites Internet qu'ils visitent et leur rappelle qu'ils ne doivent pas installer des logiciels ou des codecs s'ils proviennent de sources qui ne sont pas dignes de confiance. F-Secure précise également qu'Apple a publié cette semaine une mise à jour de QuickTime afin de protéger davantage les internautes contre les logiciels malveillants. Les avocats du musicien américain Prince, ou The Artist Formerly Known as Prince, viennent d'envoyer de multiples mises en demeure aux webmestres de sites Internet portant sur son œuvre. Les documents juridiques leur demandent qu'ils retirent de leur site Internet toutes les paroles de chansons, les images, qu'elles soient officielles ou prises par des fans, et tout autre élément portant sur le chanteur. Surtout, surpris par la manœuvre judiciaire amorcée contre eux, les webmestres de Housequake.com, PrinceFans.com et Prince.org ont formé une coalition et affirment qu'ils sont prêts à aller devant les tribunaux pour se défendre. John Giacobbe, le directeur général de Web Sheriff, la firme engagée par la maison de disques de Prince pour s'assurer que les droits d'auteur du musicien soient respectés sur Internet, a indiqué à Reuters que les mises en demeure n'avaient rien à voir avec la liberté d'expression. Les images concernées par les mises en demeure incluent même des photographies de tatouages et de plaques d'immatriculation inspirées du chanteur. Prince a également fait les manchettes en septembre dernier lorsque Web Sheriff a entamé des poursuites judiciaires contre YouTube et eBay afin de faire respecter ses droits d'auteur. La Gendarmerie royale du Canada n'enquête plus depuis plusieurs mois sur les internautes qui téléchargent illégalement de la musique pour usage personnel, selon Le Devoir. En entrevue avec un journaliste du quotidien montréalais, le responsable des enquêtes fédérales et des questions de vol de droits d'auteur pour la GRC a indiqué que la tâche était tout simplement trop lourde, tellement le nombre d'internautes qui téléchargent de la musique est élevé. Et je cite, « Le piratage de musique par Internet ou d'autres médias pour usage personnel n'est plus ciblé. » C'est ce qu'il a déclaré, Noël Saint-Hilaire. Aujourd'hui, c'est tellement simple de copier, tout le monde est pris au dépourvu et on ne sait pas comment arrêter ça. » Fin de la citation. Le responsable de la GRC a ajouté que son équipe d'enquête prioriserait désormais les crimes contre la propriété intellectuelle, comme la contrefaçon des médicaments ou d'appareils électriques, ainsi que ce qui concerne le crime organisé. Selon Le Devoir, l'inertie de la GRC s'explique probablement par le fait que, comme le démontrent certaines études récentes, le piratage de musique ne serait pas aussi nuisible à l'industrie de la musique que ne laissaient entendre ses représentants. Contrairement au Canada, l'approche américaine concernant les internautes qui téléchargent de la musique est beaucoup plus sévère. On se rappelle que le mois dernier, Jamie Thomas, une mère de 30 ans, une mère célibataire même de 30 ans, a été condamnée à payer une amende de 220 000 $ pour avoir piraté quelques chansons sur Internet. Les deux compagnies rivales, Paramount et Warner Brothers, vont unir leurs forces sur le marché chinois en offrant des DVD de films à prix réduit, peu de temps après leur sortie au cinéma, dans l'espoir de combattre les DVD piratés. Les DVD vont se vendre 3 $, soit plus cher que sur le marché noir, où les prix peuvent baisser jusqu'à 68 cents le film. Mais les deux studios espèrent que la légalité du DVD et la meilleure qualité du produit soient suffisantes pour convaincre les acheteurs chinois. En s'associant, les deux studios espèrent offrir une quantité suffisante de films pour attirer les consommateurs chinois. Pour le moment, près de 90% des DVD vendus en Chine le sont sur le marché noir. Les studios étrangers ont gagné ces dernières années plusieurs poursuites contre les commerces chinois, mais les quelques milliers de dollars amassés sont de loin inférieurs à l'argent perdu à cause du marché noir. Les premiers films vendus par Paramount en Chine sont Transformers et Shrek the Third. On parlait tantôt de piratage de musique qui ferait accroître les ventes d'albums. Eh bien, une étude effectuée par Industrie Canada par Bridget Anderson et Marion Friends de l'Université de Londres sur les effets du piratage de la musique vient d'être publiée. Les résultats risquent d'en surprendre plus d'un, dit l'article de branchezvous.com. Cette étude a été menée auprès de 2100 Canadiens de plus de 15 ans. De ce nombre, près de la moitié téléchargent de la musique à partir de réseaux poste à poste ou P2P. On dit 47,9%. Les scientifiques arrivent à la conclusion qu'il n'existe aucune relation positive ou négative entre les ventes de CD et le nombre de fichiers musicaux P2P téléchargés pour l'ensemble du Canada. En analysant la sous-population des Canadiens qui téléchargent de la musique, les chercheurs sont arrivés à des conclusions plutôt inattendues. En effet, ils estiment qu'un téléchargement P2P par mois fait accroître l'achat de CD de 0,44 disques par année. L'étude conclut également que près de la moitié des pistes P2P ont été téléchargées par des gens désirant l'écouter avant d'acheter l'album ou ne souhaitant pas se procurer le disque en entier. De plus, un quart des Canadiens auraient téléchargé des pistes P2P parce qu'elles n'étaient pas disponibles à la vente. hein? Simplement qu'elle n'était pas disponible à acheter, sinon il l'aurait fait. Si vous voulez voir l'étude en question en format PDF, allez voir l'article « Le piratage de la musique fait accroître les ventes d'albums ». C'est sur le site de l'émission au www.unechance.com. Et finalement, dernière nouvelle de notre bloc cybercrime, le fournisseur Internet Bell Sympatico limite désormais les vitesses de téléchargement et de téléversement, c'est-à-dire d'upload, de plusieurs logiciels P2P lorsque son service est congestionné durant les heures de pointe. Ça va certainement faire chialer beaucoup d'entre vous. Selon un message dans un forum de discussion du fournisseur, Bell Sympatico limiterait à 30 kilooctets par seconde, ce qui est extrêmement lent, la vitesse de BitTorrent, GNUTELLA, LimeWire, Kazaa, eDonkey, eMule et Winamix, pour ne nommer que ceux-là. Le contrôle du trafic Internet aurait été lancé pour améliorer, et je cite, « l'expérience en ligne des clients et améliorer la performance d'Internet pour tous les utilisateurs ». L'employé de Bell Sympatico répondant aux questions des utilisateurs n'a pas donné plus d'informations sur la nouvelle politique, notamment depuis combien de temps celle-ci est en vigueur et comment elle fonctionne exactement. Bell Sympatico n'est pas le premier fournisseur Internet à agir de la sorte. Depuis quelque temps, la compagnie américaine Comcast limite également le trafic P2P de ses abonnés. Au Québec, Vidéotron a récemment cherché à limiter l'usage de sa bande passante d'une autre façon en faisant payer pour les usagers après un certain nombre de gigs transférés, ce qui a aussi fait pleurer bien des gens. C'est-à-dire que Vidéotron, après un certain nombre de téléchargements, un poids quand même assez élevé, il chargeait au gigaoctet. Enfin bon. Les transferts P2P représentent entre 30 et 50 % de tout le trafic sur Internet. Beaucoup d'usagers s'abonnent au service le plus rapide de leur fournisseur justement pour pouvoir avoir une bonne vitesse sur les réseaux de téléchargement de fichiers. Les gens paient plus cher pour avoir une bonne vitesse sur un logiciel illégal et Bell vient mettre un bâton dans cette roue-là en baissant à 30 kilooctets par seconde, mais seulement en heures de grande utilisation, seulement en cas extrême, on pourrait dire. J'en ai pas encore été témoin. Voilà qui fait le tour des nouvelles criminalistiques dans le bloc cybercrime. Regardons un petit peu quelques nouvelles de Yahoo Québec qui vient de faire parvenir le palmarès des recherches en matière de gadgets techno, de jeux vidéo pour consoles, de PC et en ligne. Et finalement, les requêtes au sujet des logiciels téléchargeables les plus recherchés par les internautes québécois qui utilisent Yahoo pour les trouver. Donc, ça s'appelle le buzz du mois d'octobre. Regardons le top 10 des gadgets. 10 Top 10 des gadgets et techno. On retrouve en 5e position DVD Players, en 4e TV LCD, en 3e Apple iPhone, en 2e Nokia Cell Phones et en 1e c'est TV Plasma. Top 10 des jeux vidéo et jeux en ligne, en 5e c'est Call of Duty, en 4e c'est Polly Pocket, en 3e ça existe encore, ça va. En 3e Caribbean Pirates, en 2e Helicopter Games et en 1e c'est BioWolf. Et le top 10 des logiciels téléchargeables, en 5e c'est Ubuntu, en 4e Linux, ensuite Spice Sweeper et Pop-Up Blocker et en 1e c'est Anti-Spyware. Les anti-espiogiciels. Et le top 15 des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec au toile.com. En 5e, c'est stable pour accéder. En 4e, ça descend les packs. En 3e, c'est stable pour Hotmail. En 2e, ça monte l'Auto-Québec. Et en 1e, c'est Horoscope. Le style, y'a pas mal plus de damn get up. Le style, j'passe pas mal de temps punch up. Le style, ma vie est pris une drop. Le style, ça va mal la shop. Le style, y'a pas mal plus de damn get up. Le style, j'passe pas mal de temps punch up. Le style, ma vie est pris une drop. Hey le gros, t'aurais pas de code de pièces à me passer. J't'en mange coucou, j'suis même pas capable de payer le loyer. Il me reste plus une maudite scène jusqu'à la fin du mois. Tu sais comme moi c'est le chômage, j'vois pas chez loin que ça. J'arrive du bounce, j'dois t'aller vendre. Au moment faut bien survivre en attendant que chaque round. Faut que j'bois de la bière, que j'chante un peu, que j'm'alimente. Que j'fume une coupe de pot de weed pour arriver en état. Attendant que la chance fasse ton existence change. Un beige, puis mets ta vente. J'ai guéri de faire le marre de check et cache. Sans faire chercher par tout le monde, partout, partout. tous les bars. Tous les jeunes que de mille ont la théâtre d'art. Et finalement, j'ai pas de mots de seul qui m'adore. Le stade, ça va mal à la chape. Le stade, y'a pas mal plus de temps que d'op. Le stade, je passe pas mal de temps par job. Le stade, ma vie a pris une drop. Le stade, ça va mal à la chape. Le stade, y'a pas mal plus de temps que d'op. Le stade, je passe pas mal de temps par job. Le stade, ma vie a pris une drop. En ce moment, j'aime en bas de la pente, quand ça sonne à porte. Check par la fange, j'm'attends ce que les chalocs. Personne descend, que le propriétaire défonce. Des pirates, le menace de pas couper les drapes, moi j'au rockmount. J'ai plus combien de chèques en blanc, qui rebondissent sa bande. Les huissiers peuvent saisir, y'a rien à prendre. J'veux juste qu'on m'aide un peu, que j'puisse me reprendre. On parle tout sur Internet dans tous les podcasts. J'adore ça. C'est Gatineau avec la pièce Bone Shop. Pong, frappe. Maintenant, avant de passer au bloc technologique, regardons quand même les jeux qui ont été les plus trichés cette semaine de la part de GameFAQs.com. En cinquième, c'est Guitar Hero 3 sur la 360. En quatrième, Final Fantasy 12 sur la PS2. En troisième, Halo 3 sur la 360. En deuxième, c'est Zelda Phantom Hourglass sur la DS. Et en première, le jeu le plus triché la semaine dernière. Les gens ont cherché des codes, des façons de tricher dans ces jeux-là. C'est COD 4 Modern Warfare sur Xbox 360 qui a été le plus triché. Fil technologique cette semaine, des nouvelles qui n'ont pas rapport vraiment avec l'informatique ni les jeux vidéo, qui a rapport avec juste la technologie en général. Google a signé la semaine dernière, lors d'une conférence de presse, a signifié, oui, qu'il lançait la plateforme gratuite pour téléphone cellulaire Android, faisant taire par la même occasion les rumeurs concernant un certain Google Phone. On en parlait depuis des mois. Cette plateforme va inclure un système d'exploitation, une interface utilisateur et des applications. Google a également annoncé que 34 sociétés s'étaient regroupées pour former l'Open Handset Alliance, dont le but est de développer des logiciels pour Android. Parmi ces compagnies, on retrouve LG, Motorola, Nvidia, Samsung, Sprint, Nextel et Texas Instruments. Les mobiles équipés de la nouvelle plateforme ne seront pas disponibles immédiatement. Il faudra effectivement patienter jusqu'au second trimestre de 2008 pour pouvoir mettre la main sur des cellulaires équipés d'Android. De plus, l'utilisateur ayant déjà un appareil ne pourra pas, ne pourra pas le transformer en mobile certifié Google. En effet, seuls les téléphones actuellement en développement seront compatibles avec la nouvelle plateforme de Google. Google a également affirmé que sa suite logicielle sera en open source et gratuite pour permettre aux constructeurs de terminaux de la modifier selon leurs besoins et ainsi améliorer l'accès à Internet sur mobile. Un ensemble de développements sera mis en ligne cette semaine et permettra à tout le monde de concevoir des applications basées sur Android. Apple continue de faire payer plus cher les Canadiens pour ses produits, même si le UR vaut maintenant plus que le dollar US. Deux Québécois ont lancé lundi dernier une vidéo sur YouTube pour dénoncer la situation. La vidéo de Éric K. Laflamme et Boris Hong, les deux étudiants responsables du campus virtuel de l'Université Laval sur Second Life, le jeu vidéo, reprend la chanson 1-2-3-4 de Feist, récemment utilisée par Apple pour les publicités de ses iPod Nano. Tel qu'annoncé la semaine dernière, les nouveaux MacBooks se vendent toujours 150$ de plus en solde canadien qu'aux États-Unis, ce qui est quand même assez malheureux, contrairement au système d'exploitation Léopard qui est pour sa part au même prix. Et je cite « Pourquoi ne pas appliquer cette philosophie avec les MacBooks ?» C'est ce que se demandent ces deux gars-là. On s'attendait à des ajustements de prix d'Apple, explique l'étudiant du département d'information et de communication de l'Université Laval, pour faire bouger les choses. Lui et son collègue ont donc créé cette vidéo. L'objectif est de mettre le plus de gens au courant. La vidéo a été visionnée par près de 1000 personnes en 2 jours. Et la raison que je fais autant de pauses entre chacun des mots, c'est que j'essaie d'aller sur l'autre ordinateur pour faire jouer la vidéo. Ce serait tellement drôle de pouvoir faire ça. Hein? Je pense que ce serait vraiment drôle. Je vais laisser venir, mais si vous voulez aller voir la vidéo de Boris Hung et Eric Calaflamme sur YouTube, c'est dans l'article qui est au www.chance.com. Il y a aussi un blog sur les prix de Apple dans le même article, si ça vous intéresse. Voilà, je crois qu'on est correct comme ça. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a du son là-dessus? Ah oui, c'est ça. Mm-hmm. On va repartir ça. Ça s'en vient. J'aime ça quand ça arrive. Voilà. Quand t'es tout seul à tout faire, c'est dur. 1, 2, 3, 4, tell me. Ok, c'est simplement la chanson de Feist avec des exemples de grands titres. Par exemple, Apple vend 2 millions de copies, blablabla. C'est super plat. Bon. Au moins, il y a des bonnes citations de Bill Gates, de paquet de gens. Donc, allez voir, c'est le www.unechance.com. L'article s'appelle « Deux Québécois dénoncent les prix de Apple ». Belle perte de temps de mon côté pour ça. L'Institut d'ingénierie biomédicale de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton participe à 2 importants projets portant sur les prothèses robotisées. Je trouvais ça intéressant. Les 2 projets sont commandités par la Defense Advanced Research Projects Agency, ou la NAMBLA. Ils ont été mis sur pied en réponse au grand nombre de blessures graves qu'ont subi les soldats en Afghanistan et en Irak. Le premier projet s'appelle Prothesis 2007. Il a été accordé à Deka Research de Manchester, New Hampshire, je crois, NH. Et il vise l'amélioration des prothèses des membres supérieurs. L'Institut utilisera des technologies existantes ou des technologies émergentes presque à terme pour créer une prothèse qui permettra aux porteurs de commander simultanément l'épaule, le coude, le poignet et la main. Le rôle de l'IBME dans ce projet est de mettre au point la puce qui doit interpréter les signaux musculaires et les transformer en commandes pour la prothèse. Le deuxième projet s'appelle Revolutionizing Prosthetics et lui est plus ambitieux. Il s'agit de créer une prothèse offrant la même dextérité et la même perception sensorielle que le corps humain. Ça signifie utiliser des technologies permettant d'obtenir des données des muscles, des nerfs périphériques et du cerveau. Le rôle de l'IBME est sensiblement le même dans ce projet, mais il doit également collaborer étroitement avec les partenaires chargés de l'interprétation des signaux provenant des nerfs et du cerveau. Si on considère toutes les recherches en matière de prothèses et d'interfaces personne-machine en cours actuellement, ainsi que les récentes percées, l'homme bionique n'est peut-être plus de la science-fiction. L'article vient de branchezvous.com. Et comme toujours, si vous voulez retrouver les articles de l'émission d'aujourd'hui, c'est très, très simple. Il n'y a pas grand-chose dans la vie de plus simple que ça. C'est le www.unechance.com. C'est là, tout est là, la balado-diffusion de la semaine, tous les liens d'émission, numéro 193, si ça vous intéresse d'aller voir sur le site pour le référencer par numéro, c'est aussi simple que ça. Voilà qui fait le tour donc pour le bloc fil technologique. Regardons comme ça les jeux les plus loués en club vidéo. C'est au Super Club Vidéotron la semaine dernière. Tiens, pourquoi ne pas faire ça maintenant? Bonne question. 5e position, The Simpsons Game sur Xbox 360. En 4e, c'est The Simpsons Game sur PlayStation 2. En 3e, NHL 08 sur Xbox 360. En 2e, c'est Halo 3 sur Xbox 360. Et le jeu le plus loué la semaine dernière, ça donne que c'est Call of Duty 4 Modern Warfare sur Xbox 360. Et c'est aussi, on l'entendait tantôt, le jeu le plus triché hein, de cette semaine. C'est-tu pas incroyable? Pendant que nous, on continue comme ça, là, en arrière, ce qui joue, là, c'est la suite de la série Relics of the Shouzo, a Super Metroid Musical Collaboration. Ça fait plusieurs semaines, même j'oserais dire plusieurs mois qu'on est là-dessus, et c'est la dernière pièce cette semaine. Dur à croire, je sais, mais c'est la dernière pièce. C'est Daniel Baranowski qui l'a fait. La pièce s'appelle The Galaxy is at Peace Ending. Et Relics of the Shouzo, c'est un projet qui voulait produire une interprétation collaborative et collective de la trame sonore de Super Metroid. Chaque pièce, malgré qu'elle est un chef-d'œuvre en elle-même, c'est ce qu'ils disent en tout cas, ça fait partie d'un tout, d'un large tout, si on veut, qui veut créer une ambiance de continuité, comme une seule longue chanson, si vous voulez. Même si nous, on l'a découpé en morceaux, c'est un petit peu méchant, mais bon. On va l'entendre, cette dernière pièce-là, et ensuite, on va se rappeler des souvenirs en écoutant la première, juste pour le fun. Restez là, c'est la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À CFOU89.fr. www.dash.dash.dash.com. Deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va parler surtout de jeux vidéo. On va parler entre autres de Mario Galaxy qui a été traduit en québécois joual, un français lamentable selon l'Office québécois de la langue française. C'est plus tard, mais avant, je me gâte. Tout de suite, je me gâte. Écoutez ça, là. Je me gâte. City pounding in my brain while another day goes down the drain. Yeah, yeah. But yeah. It's a 5 o'clock world when the whistle blows. No one owns a piece of my time. And there's a 5 o'clock for me inside my clothes, thinking that the world looks fine. Yeah. Holiday. Hey. Yeah. Hey. Trading my time. Pay I get. The Vogues et 5 O'Clock World à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je vous avais dit que je me gâterais, ben ça, ça me fait plaisir de mettre ça. T'sais. Ça me fait tellement plaisir, c'est tellement bon. Phil, jeux vidéo, regardons les nouvelles qui ont marqué le domaine vidéoludique cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées, entre autres par rapport à la mauvaise traduction des jeux vidéo, surtout avec le gros débat par rapport à ça qu'on vit depuis quelques temps hein, sur la langue française dans les écoles. Alors qu'une grande majorité de possesseurs de la console Wii de Nintendo attendent Mario Galaxy impatiemment, nous apprenons que ce jeu vidéo sera traduit en joual. L'article date de juste avant la sortie du jeu. Les mots « fret »,« loqué » et « toi » et « moi » figureront dans plusieurs boîtes de texte présentes dans le jeu. En plus de ces quelques mots, le joueur aura droit à des expressions complètes comme « cette drum n'est pas pantoute facile » ou « agrippe-toi, quel fun noir » ou encore « hey, on a des bombes en masse, tu veux-tu t'en servir pour faire exploser les vidanges dans le coin ?» Selon Nintendo Canada, le jeu aurait été traduit de la sorte dans le but de le localiser spécifiquement pour le marché québécois. Bravo. L'Union des artistes dénonce tout de même la situation, j'imagine. Selon cet organisme, ce genre de traduction ne permettrait pas d'améliorer la qualité du français des jeunes. L'Office québécois de la langue française, l'OQLF, a également la même opinion. De plus, l'UDA souhaiterait même consulter Nintendo pour qu'elle modifie les traductions de ce genre. Notons aussi que des expressions semblables se retrouvent dans le jeu pour la DS de Legend of Zelda Phantom Hourglass. Rappelons aussi qu'une entente avait été signée en septembre dernier entre l'OQLF et l'industrie du jeu vidéo pour que tous les jeux vendus au Québec soient traduits en français d'ici 2009. J'espère qu'ils vont pas juste les traduire à la boîte, comme ça. Hein? Mario Galaxy, qui sort aujourd'hui, en fait, le 12 novembre, si vous écoutez en direct. Ensuite, toujours dans le même sujet, le Québec veut sa part du gâteau et aimerait développer le créneau du doublage des jeux vidéo. Un marché inexistant ici parce que tous les jeux vidéo sont doublés en France. C'est le cas des jeux de Sony et de Microsoft. Dans le cas des jeux de Nintendo, il s'agit plutôt de traduction parce que les personnages sont muets et s'expriment par le biais de bulles de texte. On a droit à notre juste part de marché, déplore Tristan Harvey, responsable du comité doublage de l'Union des artistes. La loi sur le doublage en France ne protège que l'exploitation en salle de cinéma. On pourrait donc se partager le doublage des jeux. Le Québec, la France et la Belgique, dit-il. On aimerait développer ce créneau. On a intérêt à faire valoir notre expertise. Tout à fait vrai. La traduction au Québec, c'est très, très bon. C'est très important et c'est tellement bien fait. Je trouve que les Québécois travaillent très, très, très bien sur la traduction, que ce soit de films, d'émissions de télé ou n'importe quoi. Je trouve qu'ils font du très, très bon travail. J'imagine, en tout cas, je sais pas, mais je crois que le jeu dont on parlait tantôt, Mario Galaxy, j'imagine, a été traduit en France pour un marché québécois. Donc, ça donne des phrases qui sont pas très, très bonnes, si je comprends bien. Toujours sur le même sujet, c'est le gros sujet de la semaine. Alerté par la traduction désastreuse de Mario Galaxy, l'Office québécois de la langue française demande à l'industrie du jeu vidéo d'utiliser un français correct. Et je cite, « Il est possible de s'amuser dans un jeu sans tomber dans la facilité de la langue familière », réplique Gérald Paquette de l'OQLF. Par contamination, les jeunes pourraient facilement utiliser ou répéter ce genre de langage, crée Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français. Monsieur Perrault a du mal à reconnaître certains des termes employés dans le nouveau jeu Mario Galaxy. J'en ai donné quelques-uns tantôt et j'avais de la misère à les comprendre, si je peux m'exprimer en québécois moi aussi. Adonnant, hein, adonnant entre guillemets. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu le mot adonnant, dit-il, et chui. Je ne sais pas comment qualifier ça, dit-il, quelque peu désespéré. À son avis, l'absence de normes chez Nintendo concernant la qualité du français contribue à, et je cite, la bâtardisation de la langue française et favorise l'isolement du Québec dans la francophonie internationale. C'est tellement vrai. Il souhaite que l'Office québécois de la langue française et le gouvernement interviennent auprès de ses compagnies pour leur rappeler le souci de contribuer à la qualité de la langue. Et je cite, les fabricants de jeux vidéo et les médias en général doivent être exemplaires. Il y a des normes de qualité qui doivent être respectées, dit-il. Une telle traduction est l'équivalent, selon lui, d'un mode d'emploi truffé de fautes. Et je cite, je crois qu'il y a moyen d'avoir une version accessible sans utiliser du joual. Il y a beaucoup de problèmes sur la qualité du français ces temps-ci, c'est sûr que ça ne peut pas aider, dit pour sa part Mario Beaulieu de Mouvement Montréal français. Nouvelle qui me déprime totalement, je ne comprends pas comment on peut vouloir localiser un jeu en faisant de la langue française que les jeunes vont ensuite copier. C'est tellement absurde, je trouve ça non mais vraiment pathétique de leur part, pathétique. Toujours au sujet de Nintendo, mais une nouvelle un petit peu moins triste, même plutôt intéressante. Pour certains, Nintendo a finalement dévoilé la date de lancement du canal Check Me Out pour la Wii. Ce dernier a été lancé hier, le dimanche 11 novembre, pour tous les propriétaires de la console de salon de la compagnie japonaise. Pour rappeler un peu, Check Me Out est un canal entièrement dédié aux fameux Mii, les personnages qu'on peut créer nous-mêmes à notre propre image, de nouvelle genre de manga un peu si on veut. Et ça va vous permettre de démontrer vos propres Mii ou encore de voir ceux des autres joueurs. Vous pourrez juger la qualité de chaque Mii et même sélectionner et télécharger vos préférés. Nintendo tiendra également divers concours à travers ce canal qui demanderont à ce que les joueurs recréent des versions Mii de personnes célèbres. On pourrait vous demander de recréer Marilyn Monroe ou Shaq. Exemple au hasard. Les utilisateurs pourront par la suite voter en ligne pour les meilleures représentations. Selon Nintendo, chacun de ces concours sera d'une durée de 2 semaines, la première servant à la création des Mii et la seconde étant dédiée au vote des joueurs. Voilà, très bonne nouvelle de ce côté-là. Et d'un autre côté, c'est une mauvaise nouvelle. Le modèle de Wii capable de lire des DVD vidéo ne sortira pas cette année. C'est pas vraiment une surprise, dit l'article de GameCult.com, étant donné que nous sommes déjà en novembre, mais Nintendo a tenu à publier un communiqué pour rectifier une précédente annonce qui évoquait une sortie courant 2007 de cette Wii avec lecteur DVD vidéo. Le constructeur explique en substance qu'il préfère se concentrer sur la production du modèle actuel pour être sûr de satisfaire la demande mondiale en cette fin d'année, tout en se gardant bien de communiquer une autre date. Évidemment, parce que la Nintendo Wii, déjà, le modèle qu'on a présentement est un petit peu difficile à trouver. Il y a des problèmes de production, etc. Ça va pas aussi vite qu'on pourrait vouloir et que les gens voudraient pour pouvoir l'acheter. Mais bon, un jour peut-être. Microsoft Game Studios, maintenant parlons de Microsoft. Ils ont annoncé qu'ils vont lancer une seconde mise à jour de la console Xbox 360 qui fera partie de la campagne « Safety is no game, is your family set », où on pourrait traduire ça comme « La sécurité n'est pas un jeu, votre famille est-elle préparée ?» Ou si on était Nintendo, on pourrait dire « La sécurité, c'est pas une game, man, votre famille est-tu préparée ?» Sûrement que Nintendo l'aurait traduit comme ça. Ainsi, en étant couplé à un contrat visant à réguler le temps de jeu des jeunes, disponible dès maintenant, cette mise à jour introduira une nouvelle option qui permettra aux parents de déterminer le temps de jeu de leurs enfants. Le contrat élaboré par Microsoft et la Parent Teacher Association a été conçu afin d'aborder le thème du temps de jeu au sein d'une famille. Ce contrat nommé PACT, beau nom quand même, ils ont vraiment réussi à trouver des lettres qui allaient avec tout ça pour que ça fasse pacte, adopte une approche proactive afin de déterminer les règles sur l'utilisation des médias au sein de la famille et vise aussi à obtenir l'accord des enfants sur l'implication des parents dans le domaine du divertissement. Ainsi, les parents peuvent discuter avec leurs jeunes des jeux auxquels ils sont autorisés à jouer ou à regarder, le temps qu'ils peuvent passer devant des jeux et avec qui ils sont autorisés à jouer en ligne. Ce contrat est disponible dès maintenant sur le site de la Xbox. Le site, c'est xbox.com/isyourfamily. Une nouvelle option portant le nom de Xbox 360 Family Timer permettra quant à elle aux parents de réguler le temps de jeu de leurs enfants. Similaire à la même option offerte sur Windows Vista, le Xbox 360 Family Timer peut restreindre le temps de jeu des enfants par jour ou bien par semaine. Des messages apparaîtront à l'écran afin de dire aux jeunes que leur temps est presque écoulé puisque le Family Timer éteindra la Xbox une fois ce temps dépassé. Microsoft s'attend à ce que le Family Timer, ils l'ont répété souvent, obtienne la faveur des parents et donc beaucoup de succès. Selon une étude indépendante, 62% des parents désirent avoir accès à un outil leur permettant de réguler le temps de jeu de leurs enfants et ce que le Family Timer permettra. Le Xbox 360 Family Timer sera disponible via Xbox Live Arcade début décembre. Ça me tente juste de voir... je vais taper Family Timer dans la recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en 3 paragraphes. 6 fois. C'est beau à voir. Voilà la première partie du fil jeu vidéo. En musique, on se garde toujours. Voici To Be Surprised de Sandré Larky, de la trame sonore de Dan in Real Life à la connexion à CFU 89.1 FM. Say, did you ever stop to think along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna stay. Obvious observations everybody makes. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The way when I wrap my arms around so tired through a mic. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The weight of the world and the hurt and the dirt can make you disturbed. But I hurt. When I wrap my arms around you, every mistake we make crumbles. When I wrap my arms around you, everything echoes a new song. Sandra Larkey avec To Be Surprised de la trame sonore de Dan in Real Life. Avant de passer en pause, voici notre quiz musical de la semaine. Tellement facile cette semaine. Devinez le jeu qui joue derrière moi et la réponse est au retour. Et c'est à la connexion, l'émission qui parle de technologie, de l'informatique et de jeux vidéo. Assez fou 89.1 FM. Juste avant la pause, on vous a demandé de nommer le jeu que vous entendez. C'est tellement simple. Des fois, on vous en donne des durs. Des fois, c'est des faciles. On est comme... On n'a pas moyen de doser d'en choisir une moyennement facile. Mais bon. Si vous avez deviné que c'était Sonic the Hedgehog sur la Sega Genesis, ben félicitations. C'est super beau de votre part. C'est la version Green Hill Zone. Le premier tableau. Je pense que c'était le premier tableau. Vous êtes de retour à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est la dernière demi-heure de cette émission-là qui parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Dans quelques secondes, la deuxième partie du fil jeux vidéo. Et ensuite, on va parler de nouveautés en magasin. Mais avant, voici Jacques Mort, Assez Fou 89.1 FM dans vos oreilles. Oh, pâte mort et biscuits chinois. J'adore ça. C'est tellement bon. C'est mon groupe fétiche en ce moment. Jacques Mort, leur album. En fait, c'est un hippie, comme on appelle un maxi de quelques pièces. Et c'est disponible maintenant, Jacques Mort. Voilà. Je crois que c'est myspace.com/ Jacques Mort. Ou peut-être Jacques Mort. Enfin bon. Quitte à dire des nouvelles, des affaires que je sais pas trop ce que je dis. Allons voir le fil jeu vidéo. Regardons les nouvelles qui ont marqué le domaine vidéoludique. C'est la deuxième partie du fil jeu vidéo. Alors que certaines rumeurs circulaient depuis quelques semaines, Sony Computer Entertainment Japan a annoncé un nouveau design pour la PlayStation 2. On en parlait la semaine dernière un petit peu. Reprenons le design de l'ancienne version. Elle sera tout de même plus légère, 720 grammes. Et surtout, le bloc d'alimentation sera de nouveau intégré à la console. Prévu en trois couleurs, le noir, le blanc et l'argent, cette nouvelle PlayStation 2 sortira au Japon le 22 novembre. On ne sait pas encore la date pour l'Amérique du Nord. Toujours au sujet de Sony, Sony Computer Entertainment vient d'annoncer la disponibilité le 8 novembre, depuis le 8 novembre, de la version 2.0 du microcode pour la PlayStation 3. On appelle ça un firmware. Si l'accès en cours de jeu du XMB n'est pas à l'ordre du jour, quelques nouveautés intéressantes sont tout de même au menu. Tout d'abord, le lien PS3-PSP est augmenté puisque la console portable pourra démarrer la PlayStation 3 ou au contraire l'éteindre, ce qui permettra aux utilisateurs d'avoir accès aux données multimédia de la console de salon, quel qu'en soit l'état. De plus, il sera possible de créer des playlists à la fois pour la musique et les photos. La personnalisation avancée des menus du XMB sera possible en jouant notamment sur les couleurs et la luminosité. Enfin, d'autres nouveaux services seront offerts avec, par exemple, l'ajout d'un bulletin d'information pour avoir les dernières nouvelles PlayStation, une nouvelle catégorie et l'icône associée pour l'accès au PlayStation Network ou encore l'arrivée de Trend Micro Web Security pour renforcer l'accès sécuritaire à Internet via la console, ce qui rassurera plusieurs parents. Si vous voulez voir les détails, allez voir l'article Firmware 2.0 pour la PlayStation 3 sur le unechance.com. Unechance.com. Selon le magazine Variety, ce serait Mark Wahlberg qui incarnerait Max Payne dans l'adaptation cinématographique en préparation de ce jeu vidéo. Le film s'inspirait du scénario du premier jeu sorti en 2001 et suivrait un Max Payne en quête de vengeance suite au massacre de sa famille par une bande de drogués. À la réalisation, on retrouverait John Moore, qui a joué derrière Behind Enemy Lines et Flight of the Phoenix. Selon un article paru sur... Prince of Persia, voilà. On parle de Mike Newell aux commandes du proche du film de Prince of Persia. Jerry Bruckheimer aurait, selon Variety, offert au réalisateur Mike Newell de prendre en main le film adapté de Prince of Persia, le jeu vidéo. On doit à Newell des films de style assez variés puisque sa carrière va de 4 mariages et un enterrement à Donnie Brasco, en passant par Harry Potter et la Coupe de Feu. La chaîne américaine Target a décidé de retirer Manhunt 2 de ses tablettes et aussi de son site en ligne. La décision a été prise après qu'une technique permette de débloquer sur PlayStation portable les scènes les plus violentes qui avaient été atténuées par les développeurs. Pourtant, le SRB avait jugé que ce truc n'était pas suffisant pour faire perdre la cote mature au jeu d'action. Target a non seulement enlevé la version PlayStation portable, mais aussi les versions Wii et PlayStation 2. Donc Target est allé droit au milieu de la cible, comme certains pourraient dire, pour se débarrasser de tout ce qui est Manhunt 2 dans ses magasins aux États-Unis. Le marché canadien semble souffrir de problèmes uniques avec le jeu de rôle The Witcher. En effet, divers messages postés sur les forums d'Atari font mention de l'absence d'un numéro de série nécessaire à l'enregistrement du jeu sur le site officiel du studio Project Red. Ce numéro qui devrait apparaître à la dernière page du manuel d'instruction est tout simplement absent des copies canadiennes. Il semblerait que ce problème ne soit présent que dans les éditions bilingues du jeu. À noter qu'il n'est aucunement nécessaire d'enregistrer le jeu auprès de Project Red pour pouvoir y jouer, ce qui signifie que ce problème ne vous empêchera pas de faire rouler votre copie de The Witcher, mais ça vous empêche quand même d'enregistrer votre jeu sur le site. Si vous êtes confronté à ce problème, vous pouvez en informer Atari en remplissant le formulaire du lien qui est disponible dans l'article qui s'appelle « Problème de numéro de série pour The Witcher au Canada ». C'est toujours sur le unechance.com. Atari pourrait être sur le point de disparaître, du moins l'entité actuelle. La compagnie a dévoilé ses plus récents états financiers et les pertes sont toujours au rendez-vous. Cette fois, elles sont de 11,9 millions de dollars américains. Pour le trimestre précédent, Atari n'avait même pas présenté ses résultats. Nasdaq a par la suite menacé Atari d'enlever son titre sur les marchés financiers. Récemment, Atari a perdu la licence Dragon Ball Z qui lui permettait d'accumuler les revenus. Elle a aussi été forcée de vendre les franchises Driver et Stuntman pour respirer un peu. Dans son rapport cette semaine, Atari a elle-même avoué ses graves problèmes et je cite « Nous avons des doutes importants quant à notre capacité de continuer. » Ça se pourrait que Atari meure. L'article vient de JXP.ca. Finalement, voilà qui fait le tour des nouvelles jeux vidéo cette semaine dans le fil jeux vidéo. Regardons les jeux qui ont été les plus regardés, sont les plus populaires, on pourrait dire, selon GameSpot.com, les plus populaires dans les jeux qui s'en viennent bientôt. D'accord? Donc, pas dans les jeux qui sont disponibles, mais bien les jeux qui s'en viennent bientôt. En cinquième position, on retrouve Uncharted Drake's Fortune de SCEA sur PlayStation 3. Ça sort le 15 novembre. En quatrième, c'est Assassin's Creed de Ubisoft sur PlayStation 3. Ça sort le 13. En troisième, c'est Mass Effect de Microsoft Game Studios sur la 360. Ça sort le 20. En deuxième, c'est Assassin's Creed de Ubisoft sur la 360. Ça sort le 13. Et finalement, le jeu de la semaine, ça sort aujourd'hui, si vous écoutez en direct, le 12 novembre. C'est Super Mario Galaxy de Nintendo sur la Wii. Ah, j'ai tellement hâte de jouer, je regarde les vidéos, puis je suis comme, ah, oh, je veux jouer, mais j'ai pas de Wii. The Setting Sun avec Running Demons, c'est sur les palmarès anglophones de cette semaine. Maintenant, c'est l'heure de regarder ce qui se passe en magasin cette semaine. Grosse semaine dans l'industrie des jeux vidéo, selon rgamers.com, qui publie comme à chaque semaine la liste des nouveautés en magasin. On a quelques gros titres. On commence par les jeux qui sortent sur plusieurs plateformes. Assassin's Creed sur la 360, la PS3 et le PC. Blackside Area 51 sur 360 et PC. Beowulf The Game sur 360, PS3 et PC. Kane et Lynch Dead Men sur 360, PS3 et PC. Medal of Honor Heroes 2 sur la Wii et la PSP. Monster Jam sur 360, PS2 et DS. Soldier of Fortune Payback sur 360, PS3 et PC. Need for Speed Pro Street sur 360, PS3, Wii, PS2 et PC. Pets Cats 2, Pets Dogs 2, Pets Horses 2 et Pets Hamsters Life 2 sur la Wii, PS2, DS et PC. Tous sauf Hamsters Life 2 qui est seulement sur DS et Game Boy Advance. Rayman Raving Rabbids 2 sur la Wii et la DS. Et finalement, WWE SmackDown vs. Raw 2008 sur tout ce qu'il y a d'imaginable. 360, PS3, Wii, PS2, DS et PSP. Sur PC, Crysis, Ocean Collection, EverQuest Secrets of Fedwar, EverQuest 2 Rise of Kunark, Ghost in the Street, Imagine Fashion Designer, Next Life, Panzer Killer, RPG Game Pack et SimCity Societies. Sur Xbox 360, on retrouve America's Army True Soldiers, sur la Wii, Cars Major National, Code Lyoko Quest for Infinity, Resident Evil Umbrella Chronicles, Smarty Pants, SpongeBob Atlantis SquarePantis, Super Mario Galaxy et Tomb Raider Anniversary. Voilà. Sur PlayStation 2, Boogie, Dragon Ball Z Tenkeshai 3, Fire Pro Wrestling Returns, King of Fighters 11 et Puzzle Quest Challenge of the Warlords. Sur la DS, Are You Smarter Than a Fifth Grader? Baby Pals, Contra 4, Cooking Mama 2 Cooking with Friends, Foster's Home for Imaginary Friends Imagination Invaders, Impossible Mission, Jenga World Tour, Orcs and Elves, Strawberry Shortcake, The Four Seasons Cake, Ultimate Mortal Kombat et Word Jung. Et finalement sur PlayStation Portable, Aliens vs. Predators Requiem, Metal Gear Solid Portable Ops Plus. Plus, j'aime ça. Sonic Rivals 2 et Warhammer 40,000 Squad Command. Quelle semaine chargée, ça n'a même pas de sens. sur la PlayStation Store cette semaine quelques démos, dont Uncharted de Drake's Fortune et Call of Duty 2K8. Quelques nouveaux bonus pour des jeux sont proposés, MotorStorm, Devil's Weekend, Guitar Hero 3, Foo Fighters et Velvet Revolver. Quelques nouvelles vidéos de jeux et quelques bandes annonces de films sur Blu-ray. Sur Live Arcade de Xbox cette semaine, les jeux Switch Ball et Word Puzzle sur le service en ligne de la Xbox 360. Le premier Switch Ball est un jeu où vous devrez terminer les labyrinthes en exploitant les capacités physiques uniques d'une boule. Et l'autre Word Puzzle, c'est un jeu de mots cachés où vous devrez compléter divers casse-têtes 3D qui comprendront plusieurs objets spéciaux. Sur la Virtual Console de Nintendo cette semaine, de vieux classiques Super Mario Bros. 3, Mario 3, qui fait enfin son apparition sur la Virtual Console. Il y a aussi Alien Soldier et, pour les amateurs de golf, Power Golf. C'est sur votre console virtuelle cette semaine. Au cours de l'entretien avec le site OneUp, un représentant de Sony a annoncé deux nouvelles pour les fans de la série God of War, l'une très intéressante et l'autre plutôt mauvaise. Le directeur de God of War 2 ou réalisateur Corey Barlog va quitter Sony afin de poursuivre des objectifs personnels, mais cependant l'équipe de God of War est au travail sur un troisième opus de la franchise pour la console PS3, ce qui réjouira tous les amateurs des aventures de Kratos. Rien n'a toutefois été dévoilé au sujet du jeu pour le lancement. Il est impossible de dire si Corey Barlog continuera à travailler avec Sony dans le futur, comme l'a fait David Jaffe, le créateur de God of War, avec son tout nouveau studio Eat Sleep Play. Par contre, la confirmation de God of War 3 pour PlayStation 3 a de quoi réjouir tout propriétaire de cette console qui auront droit à une aventure de guerrier Sparte sur leur console de nouvelle génération. L'article est sur rgamers.com. Nouvelle intéressante dans les jeux à venir, c'est désormais confirmé. Knights Journey of Dreams sur la Wii sera compatible avec la chaîne météo de la console, mais uniquement en mode My Dream. Ce dernier permet aux joueurs de créer son propre environnement et d'élever des créatures. En choisissant l'option appropriée, il va être possible de calquer les conditions météo de son monde virtuel sur celui de la région enregistrée dans sa console, ce qui est assez génial. La Wii a un canal météo et votre météo locale, disons à Trois-Rivières, va être reflétée dans le jeu Knights Journey of Dreams dans le mode My Dream. C'est quand même vraiment bien. Sega annonce Knights comme étant le premier jeu à tirer parti de la chaîne météo. Voilà qui fait le tour des jeux à venir en magasin bientôt ou cette semaine, dépendant. Regardons un petit peu les jeux les plus vendus la semaine dernière au Japon. Selon la société Media Create, pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre, en 5e, on retrouve DS Bungaku Zenshu sur la DS. En 4e, Super Robot Tyson Scramble Commander the Second sur la PlayStation 2. En 3e, c'est Final Fantasy Tactics Advance 2 sur la DS. En 2e, Ace Combat 6 Fires of Liberation sur la 360. Et en 1ère, le jeu le plus vendu, on peut s'y attendre, c'est sur la Wii et c'est Super Mario Galaxy. Côté console, toujours selon Media Create, en 5e, la PlayStation 3. En 4e, Xbox 360. En 3e, la Wii. En 2e, la PSP. Et en 1ère, la console la plus vendue au Japon, c'est la Nintendo DS avec presque 80 000 ventes pour un total de proche. On approche les 6 millions sur l'année au complet. C'est beaucoup. C'est juste vraiment beaucoup. Comme une pile. C'est comme un carré grand 10, je dirais. I Get Around de Dragonette à la connexion CFOU 89.1 FM. Maintenant, c'est l'heure du bloc autour du net. On a à peine 4 minutes pour faire tout ça. Premièrement, sur le unechance.com, c'est là que vous pouvez trouver les liens de tout ce dont je parle aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur si je vais trop vite. C'est le www.unechance.com, UNECHANCE.com. On commence par un article sur le Festival Arcadia. Quelques photos du kiosque de Binox, de Nintendo, Sony, Microsoft, Ubisoft, tous les autres kiosques. C'est beau, ça vient de branchez-vous.com qui sont sur place. Ensuite, tiens, il y a sur le collegehumor.com, c'est une vidéo de du faux. Ben, en fait, c'est une vidéo d'humour. Le collegehumor.com, c'est un peu l'idée. Donc, c'est le pilote, le faux pilote de 1994. De l'émission 24. 24 heures chrono, vous le savez, ça se passe dans le présent. Mais ici, ça, c'est le pilote unaired de 1994. Jack Bauer sauve le monde avec AOL 3.0. C'est vraiment très, très bon. Si on peut en écouter un extrait ici, tiens. Ah oui. 24 heures chrono. Plein de blagues sur le dial-up, le fait qu'ils doivent payer à l'heure quand ils vont sur Internet. Le gars qui a de la misère avec sa disquette, je sais pas pourquoi. Là, il y a une bombe. Il dit, oh merde, quelque chose ne va pas, ça fait trop longtemps. Page him. Bipez-le, avec son beeper, là, après son gros, gros téléphone de cuisine. Là. Affreux. Le gars reçoit son bip, il doit courir jusqu'à un téléphone dans la rue. En tout cas, donc c'est vraiment très, très drôle. Moi, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Je trouve que les vidéos de College Humor sont de plus en plus drôles à chaque fois qu'ils en font un. Celle-là fonctionne très, très bien. L'autre vidéo, tiens, une publicité de Kid Icarus, mais du Japon. Très bien. Hein, on va sauter par-dessus ça pour la regarder quand même. La publicité américaine de Super Mario Galaxy. Pas toujours super efficace. C'est un style, les publicités de Nintendo en ce moment. Je capote pas. C'est les deux gars comme ça qui arrivent. Nous voulons jouer. Quelque chose du genre. Je sais pas. Je suis pas sûr. Il y a comme. Il y a des extraits du jeu, mais je trouve que la publicité tourne pas assez autour du. Je sais pas. Du thème de Mario, tu sais. En tout cas, on voit des gens jouer. On voit quelques extraits très, très rapides, mais on voit plus les gens en train de jouer. En même temps, c'est bon. Le principe est très, très bon. Ça fait que ça te donne envie parce que, tu sais, en même temps. Je sais pas. Mon opinion est tellement partagée que j'ai de la misère moi-même à me comprendre là-dedans. Mais bon, ça, c'est pas une mauvaise publicité. Même chose pour la publicité de Orangina. Super Furry Animals Rings Around. C'est très, très épeurant comme publicité. C'est genre un ours avec une dame qui fait de la balançoire, comme ça, dans une forêt. Ben, en fait, c'est une dame. C'est pas une dame, c'est un animal. Je me rappelle pas lequel exactement. Genre un cerf ou je sais pas. Elle tombe dans les fleurs. Les fleurs sont dans le fond des cactus dansant. Et puis, il y a des oranges. Là, c'est assis dans une orange. Donc, au moins, ça a rapport avec Orangina. Des pans aussi. C'est bizarre. C'est juste vraiment très, très bizarre comme publicité. Le prochain vidéo, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Il nous reste à peine pas beaucoup de temps pour en parler. C'est le Facebook News Network avec John Boyle. Bienvenue à Facebook News Network. C'est votre newsfeed tout de suite. Votre ami Chris Walker a mis à jour son profil, a changé sa photo, a ajouté trois films qu'il aime. Donc, c'est un genre de parodie de CNN avec votre newsfeed sur Facebook. Quelques petits jeux rapides pour votre bureau, votre journée de pluie ou n'importe quoi. Marble Arena. Et puis, l'autre, c'est Click Maze 2. Très, très bien. Puis, tiens, je vais vous laisser aller voir le reste parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais le dernier dont je dois absolument parler, j'aurais dû le placer dans les premiers pour vraiment pas l'oublier. C'est le thème de Super Mario Bros. Joué sur des Tesla Coils. Vous allez être plus professionnel que moi pour me dire c'est quoi le. Qu'est-ce que ça veut dire un Tesla Coil? Mais c'est deux trucs. Ça fait comme des éclairs. Twin Solid State Musical Tesla Coils. Qui joue ça. Donc, c'est en 2007. C'est. Des éclairs, si on veut, sur le terrain de quelqu'un. Et c'est super bon. Donc, chaque fil, j'imagine, est assigné à un canal MIDI qui répond en jouant les notes qui sont programmées dans un logiciel sur un ordinateur. Les Tesla Coils sont à 7, ont 7 pieds d'hauteur et sont environ 18 pieds de séparation. Et c'est ce que ça donne. C'est génial. Ah, il y a aussi. Ah. Il faut absolument que j'en parle. Un gars qui joue à Guitar Hero 3, Through the Fire and Flames, qui est apparemment la pièce la plus difficile de Guitar Hero 3 en mode expert. Si ça vous tente de venir battre ça, là, venez donc au tournoi de Guitar Hero, hein, qui est le 14 novembre, mercredi, à la Chasse Galerie, de 16h à 21h. Il y a des prix à gagner. C'est présenté par C'est Fou. Ça va être absolument génial. Il faut vraiment être là. Hein? C'était-tu pas beau, ça? Et voilà, c'est le tour de la connexion pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, je vous retrouve à la chance au coureur et dans les palmarès, c'est fou comme à chaque semaine, la connexion. Et en direct les lundis à 11h et en rediffusion les jeudis à 11h. Notre balado-diffusion et tous les liens d'émission sont sur le www.unechance.com. C'est là qu'il faut aller pour passer un super bel après-midi pour aller voir toutes les autres affaires que j'ai pas pu, dont j'ai pas pu parler aujourd'hui dans des positions sexuelles des affaires. Allez voir ça, unechance.com. Jusqu'à la semaine prochaine de la part de toute l'équipe fictive de la collection. Je m'appelle Mathieu Plante, je suis en train de vous dire faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance. Dash.com.